À l'occasion de la journée de la fondation du Parti du Travail de Corée, le meeting de l'association du district central et méridional de l'Association générale des Coréens en Chine a eu lieu le 7 courant à l'ambassade coréenne en Chine pour adopter une lettre adressée au maréchal Kim Jong-un. Y ont pris part le président de l'association du district central et méridional de l'Association générale des Coréens en Chine et les citoyens coréens en Chine. Ils ont déposé la corbeille de fleurs devant les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il avant de formuler l'hommage. Ils ont vu ensuite les photos montrant les exploits immortels des grands leaders et du maréchal Kim Jong-un. On y a adopté une lettre à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.